Chapitre 6e. Le lendemain, à l'heure dite, Galla, Rusticus et sa femme vinrent frapper à la porte du prince du Sénat. Simulus, qui avait vieilli lui aussi, mais qui remplissait toujours son office avec l'attention et les grognements d'un chien fidèle, les introduisit sans retard dans l'atrium où les attendait un spectacle imposant. À l'extrémité de la pièce qui faisait face à la porte, Pudentius, vêtu d'une toge blanche bordée de pourpre, était assis sur un siège d'ivoire, un bâton d'ivoire à la main. Droit et raide, sans qu'un pli de sa robe, artistement drapé et tressailli, il regardait en silence devant lui, et son immobilité, jointe à sa pâleur, était telle qu'on eût pu le prendre pour une de ces figures de cire dont les traits avaient tant de ressemblance avec les siens et qui garnissaient les murailles de l'atrium. À ses côtés, aussi droit, aussi raide et aussi silencieux que lui, se tenaient tous les membres de sa famille, petits et grands, mais les femmes ne s'y trouvaient pas. Pudentius, qui craignait leurs soupirs et leurs larmes, les avait écartées à dessein, et sans oser enfreindre sa défense, elles attendaient, le cœur palpitant de crainte, dans les appartements intérieurs, l'arrêt qu'il allait prononcer. On ne voyait pas non plus le dernier fils du sénateur, Lucius, qui, garrotté dès l'aube, à la suite de ses aveux, allait bientôt paraître devant son père, devenu, comme la loi romaine l'y autorisait, son juge suprême. Glacée par cet appareil, si nouveau pour elle, intimidée par le silence funèbre qui régnait dans l'atrium et tous ces yeux farouches qui pesaient sur ses yeux, la jeune fille n'osait pas s'avancer et l'on voyait les palpitations de son cœur plein de troubles soulever à coups pressés la robe de lin qui le couvrait. Il y eut là pour elle un moment d'anxiété si terrible que Rustica s'élança vers elle, les bras tendus pour la soutenir. Mais enfin la voix de Pudentius se fit entendre, aussi dure et aussi ferme que les colonnes qui servaient de support au toit de l'atrium. « Viens te placer ici à ma droite, jeune fille, et ne crains rien. Je t'ai promis que justice te serait rendue, il sera fait aujourd'hui ainsi que je l'ai dit, qu'on amène les trois esclaves coupables. » Ils parurent tous les trois, suivant l'ordre donné, mais dans quel état? Le plus fier et le plus impudent en temps ordinaire, Styrax, était ce jour-là le plus humble. L'œil rouge et le visage terreux, il essuyait sa bouche avec un pan de sa tunique, noire de crasse, et son œil louche semblait quêter chez Pudentius un signe de compassion qui lui fut refusé. Calliclès, aussi sale que le précédent, mais plus indifférent en apparence à sa disgrâce, se récita lui-même, pour s'encourager au malheur, la tirade d'Homère, dans laquelle le vieux Priam, à genoux devant Achille, maudit sa tragique destinée. Quant à Atarbas, c'était le moins changé des trois. Il promenait sur l'assistance son regard abruti, et il n'est pas bien sûr qu'il sût exactement ce dont il s'agissait. 20 années de souffrance avaient fait de l'ancien soldat d'animal une bête de somme à tout faire, et la seule chose qui subsistait en lui de l'ancien homme était sa chevelure crépue, aussi noire et aussi embroussaillée que jadis, et que Congrion ne voyait jamais sans horreur se pencher au-dessus de ses plats. À peine arrivé devant son maître, Syrax se laissa tomber à terre avec un gémissement et essaya de porter à ses lèvres le laticlave de Pudentius. « Jeune fille, dit le sénateur, reconnais-tu cet homme ?»« Je le reconnais, dit Galla qui avait recouvré son calme. Est-ce bien le même homme qui s'est introduit dans la vigne du père Grumion et qui hier soir a essayé de t'enlever par violence sur la voie aurélienne près du temple de Vesta ?»« C'est le même, répondit Galla, vers laquelle Styrax tendit les mains en manière de supplication. « Et ceci, dit Pudentius en étendant son bâton d'ivoire vers Calliclès et Atarbas, l'accompagnait dans les deux circonstances ?»« Je les ai vus, » fit simplement Galla, dont le cœur compatissant se refusait à charger les accusés. « S'il ne s'était agi dans la cause que de ces vils esclaves, » reprit Pudentius, « je n'aurais dérangé ni toi ni tes honnêtes parents. » Une triple croix aurait fait l'affaire sans tant de cérémonie et c'eût été encore trop d'honneur pour ce rebut de l'humanité. Mais puisque mon dernier fils, celui que j'aimais par-dessus les autres, s'est montré assez oublieux de son nom et de notre gloire pour s'associer avec de pareilles créatures dans l'accomplissement d'un forfait auquel les âges futurs auront peine à ajouter foi, il est de toute justice qu'il comparaisse en même temps que ses complices devant notre tribunal pour y présenter sa défense en personne. Les faisceaux sont prêts, la hache élevée, et s'il faut qu'elle retombe pour trancher un rameau pourri de l'arbre encore plein de sève et de puissance, ce n'est pas la main de Pudentius qui se lèvera pour l'arrêter. Qu'on amène Lucius. À ces sinistres paroles, un frisson de terreur courut dans l'assistance, et ce fut au milieu d'un silence de mort que Lucius parut devant son père. Mais celui-ci avait trop présumé de ses forces, et son âme assez orgueilleuse pour admirer Manlius, assassin de son fils, n'était pas assez barbare pour l'imiter jusqu'au bout. À la vue de Lucius, abattu par la nuit affreuse qu'il venait de passer, les vêtements défaits, les joues baignées de larmes, il poussa un cri de douleur et, laissant tomber son bâton d'ivoire, il se couvrit les yeux de ses deux mains. Ce simple geste rompit le charme qui semblait peser sur l'atrium. Les sanglots éclatèrent de tous côtés, des cris de pitié en faveur de Lucius se firent entendre, et Galla, trop noble et trop fière pour ne pas avoir oublié déjà l'indigne attentat dont elle avait failli être victime, vint, toute frémissante d'émotion, se jeter aux pieds de Pudentius. « Par les dieux immortels, illustre prince du Sénat, s'écria-t-elle, par la gloire de ta famille, par les images de tes ancêtres qui nous écoutent ici, rangés autour de ton atrium, grâce pour ton malheureux fils, coupable seulement d'avoir prêté l'oreille à de perfides conseils. Grâce pour un jeune homme sur qui Rome fondait déjà son espoir, et que tu vas punir d'un forfait qu'il n'a eu ni le temps, ni, je le jure par Vesta, la volonté d'accomplir. Ah, plutôt périr mille fois moi-même que de voir, à cause de mon humble personne, une aussi noble tête rouler sous l'âge du bourreau. Relève-toi, ma fille, dit doucement Pudentius, déjà remis et presque honteux de son émotion. Si digne d'intérêt et de pitié que soit ta cause, ce n'est plus elle qui est en jeu. En portant les mains sur une citoyenne, Lucius n'a pas seulement offensé ta personne, il a souillé l'honneur antique de notre famille. Il a couvert de honte et d'opprobre le nom des Pudentius, et ce sont ses ancêtres eux-mêmes que tu invoquais tout à l'heure, ce sont eux qui réclament de ma justice et de ma fermeté le châtiment de son crime. Pudentius avait parlé d'un ton sévère, bien fait pour décourager une pauvre paysanne, comme semblait l'être Galla. Mais ce n'était pas en vain qu'un sang aristocratique coulait dans ses veines, et il y avait, dans ce cœur si faible en apparence de jeune fille, une réserve de force et de volonté que l'occasion allait trahir. Le visage en feu, l'œil brillant d'une indignation généreuse, elle se dressa debout dans ses longs vêtements de lin, qui la faisaient paraître plus grande et plus imposante encore. « Voilà donc vos vertus, » s'écria-t-elle, « fier patricien, vous décorez des beaux noms de fermeté et de justice ce que nous appelons, nous autres pauvres habitants de la campagne, de la barbarie et de la cruauté. »« Ce sont pourtant ces vertus, ma fille, » dit Pudentius, « qui ont fait Rome grande et puissante. » »« J'en connais une, » dit Galla, « qui a plus fait que toutes les autres. » »« Et laquelle, par Jupiter ?» dit le sénateur surpris. « La clémence, » répondit Galla. Incertain, mais déjà prêt de céder, le sénateur regarda la jeune fille et reporta ensuite ses yeux sur Lucius. S'il eût été moins troublé, peut-être eût-il mieux remarqué l'étrange ressemblance qui existait entre les deux jeunes gens. Pourtant, un vague soupçon, bien loin d'ailleurs encore de la réalité, lui traversa l'esprit, et dans cette fille des champs qui s'exprimait avec tant de dignité et de courage, il n'était pas loin de supposer quelque mystère. Après avoir encore lutté quelques instants contre un reste d'orgueil qui combattait en lui l'amour paternel et l'ardent désir de sauver Lucius, il se rendit enfin et s'adressant à Galla. « Tu as vaincu, ma fille, et c'est toi seule que ces malheureux doivent remercier de leur salut. Mais je t'en prie, avant que tu ne partes, fais-moi connaître tes parents. Je vais les féliciter d'avoir une fille telle que toi. » Pendant que les trois esclaves, remis en liberté, baisaient avec transport le bas de la toge de leur maître, et que son fils s'approchait de lui pour le saluer, Galla s'en allait chercher son père et sa mère adoptifs. Rusticus ne fit aucune résistance, mais la grosse paysanne, qui s'était cachée derrière une colonne, refusa de suivre sa fille. « Mais je t'assure, Galla, que je ne puis pas y aller. Comme tu es drôle, pourtant, tu vois bien que je ne suis pas habillée. »« Cela ne fait rien, ma mère. Pudentius n'y fera pas seulement attention. » « Oui, on dit toujours cela, et on se moque ensuite des gens par derrière. Tiens, veux-tu que je te dise, c'est la faute de ton père. C'est lui qui n'a pas voulu que je mette mes sandales neuves et ma robe couleur de safran. Tu sais, celle que je portais il y a une dizaine d'années. Je ne sais pas si tu te rappelles, tu étais si petite, aux noces de notre voisin Emilius, le forgeron, avec ma cousine Placida. » Lancée sur ce chapitre, la bonne Rustica était inépuisable. Mais un coup d'œil sévère de son mari la rappela à l'ordre, et bon gré mal gré, elle accompagna sa fille devant Pudentius, dont le visage s'était détendu et qui, renversé dans sa chaise, jouait d'un air de satisfaction avec son bâton d'ivoire. « Voilà ton père, » dit-il à Gala, en désignant Rusticus. « Il a l'air d'un brave homme, et j'aime ces mâles visages qui portent encore toute leur barbe, comme nos ancêtres, au lieu d'être épilés à la mode grecque, comme nos élégants du jour. » En parlant ainsi, son œil cherchait son fils Lucius, qui s'empressa de disparaître derrière un oncle et trois cousins, avec lesquels il s'entretenait le plus gaiement du monde. « Où as-tu servi, Rusticus ?» dit le sénateur. « Je serais bien étonné si nous ne nous étions pas rencontrés sans le savoir sur quelque champ de bataille. »« J'ai servi sous Paul Émile, » dit Rusticus, « et j'étais derrière lui à Cannes quand les trières dont je faisais partie enfoncèrent les fantassins espagnols. Si les soldats de Baron nous avaient secondés... »« Tu dis vrai, par Jupiter !» s'écria Pudentius, « et j'en sais quelque chose, mon brave. Ce fut moi, alors tribun des soldats, qui fut envoyé à Baron pour réclamer son appui. Je le disais bien que nous avions déjà combattu ensemble. Ah, cela me fait du bien de rencontrer ainsi un vieux compagnon d'armes. Et au moins es-tu heureux, mon vieil ami, depuis que tu es rentré dans tes foyers? C'est là ta femme, elle paraît jouir d'une bonne santé. » Rustica, toute rouge, s'avança à son tour, mais elle était si troublée qu'elle put à peine balbutier quelques paroles de remerciement. À ses côtés, Galla, plus grande qu'elle, et d'une nature toute différente, la regardait avec des yeux chargés de tendresse. « Étrange chose !» murmura Pudentius, frappé du contraste qui existait entre ces deux femmes, dont l'une était la fille de l'autre. « On dirait une grosse poule qui a couvé un œuf de cygne. » « Approche, Rustica, quel âge a ta fille ?»« 17 ans, » répondit la paysanne. « Elle ne te ressemble guère, » fit observer le sénateur. Rustica, déconcertée, se tut, mais rougit encore plus fort. « Travaille-t-elle avec toi au champ ?» continua Pudentius. Rusticus prit la parole. « Nous sommes de pauvres gens, » dit-il, « et les enfants à la campagne gagnent leur pain de bonne heure. »« Ah, si nous pouvions faire autrement, » fit Rustica, qui commença à se rassurer et que sa tendresse pour sa fille adoptive allait entraîner un peu loin. « Bien sûr que je dis quelquefois à mon mari, Rusticus, cette fille-là n'est pas née pour la vie que nous menons. »« Tais-toi, femme, tais-toi, » gronda sourdement Rusticus. Mais la grosse paysanne était partie, et il fallait qu'elle déchargeât son cœur. Il y avait si longtemps qu'elle rêvait pour sa Galla une condition autre que la sienne, une reconnaissance, une adoption, un mariage, que sais-je. « Vois-tu, Pudentius, » dit-elle, « elle s'y plie parce qu'elle ne peut pas faire autrement et qu'elle est la créature la plus soumise et la plus obéissante que je connaisse. Mais elle en souffre, oui, je suis sûr qu'elle en souffre. »« Mais non, mère, je t'assure que tu te trompes, » dit Galla. « Laisse-moi donc tranquille, » reprit Rustica, « je le sais mieux que toi. Si on t'écoutait, tu serais toujours contente de tout. Et si je ne veux pas que tu sois malheureuse, moi ? Tu me croiras si tu veux, Pudentius, mais je souffre de voir Galla, ma chérie, ma bien-aimée Galla, conduire les vaches au champ ou tremper ses beaux bras dans l'eau pour laver notre linge. « Tu es folle, mère, » dit Galla. « Qu'as-tu donc aujourd'hui ? Laisse-moi parler, je sais ce que je dis, et Pudentius aussi. Il a bien vu comme tu t'exprimais tout à l'heure, une matrone romaine n'aurait pas mieux parlé. » « Elle ne l'aurait fait, » dit Pudentius, « ni en meilleurs termes, ni avec plus de noblesse et de dignité. » Si les rangs étaient donnés d'après le cœur et non d'après la naissance, ta fille Galla mériterait d'être patricienne. « Mais elle l'est !» s'écrie la vieille femme, sans penser aux conséquences de ses paroles. « Elle l'est, illustre Pudentius, et bien des patriciennes sans doute ne sont pas sorties d'un rang aussi illustre que le sien. « Que dis-tu ? » s'écrie à son tour Pudentius. « Plaisantes-tu ou parles-tu sérieusement ?» Au ton sévère du sénateur, la bonne femme comprit alors la faute qu'elle avait commise. Galla, atteinte en plein cœur par la révélation qui venait de lui être faite, était toute pâle de saisissement. Rusticus serrait les poings de rage et de douleur, et les quelques parents restés dans la salle avec les esclaves tendaient leurs coups curieux pour savoir ce qui se passait. Effrayé, Rustica eut un instant l'idée de ne plus rien dire, mais il était trop tard pour reculer. Elle tira de son sein le fameux anneau d'or qu'elle avait trouvé dans les langes de l'enfant et le présenta à Pudentius. Celui-ci le prit avec une sorte de curiosité négligente, sans se douter que le mystère le concernât directement. Puis, ayant jeté les yeux dessus, il changea de visage et se leva brusquement de son siège. « Par tous les dieux ! » s'écria-t-il. « Femme, qui t'a donné cet anneau ? L'as-tu pris quelque part ou ramassé sur une route ? Sais-tu à qui il appartient ? Connais-tu le nom qui y est gravé ? Parle, ne crains rien, mais réponds vite !» Étourdi, Rustica bégaya quelques paroles confuses. Alors son mari prit la parole, tristement, mais avec résolution. puisque cette malheureuse, et je devrais, si j'étais juste, lui donner un nom plus sévère, puisque cette malheureuse a trahi le secret qu'elle m'avait promis de garder, je te dirai toute la vérité, Pudentius, et je l'apprendrai en même temps à cette pauvre fille que nous avions laissée pour son repos dans l'ignorance la plus complète, mais qui voudra peut-être, si nous sommes un jour injustement accusés, témoigner en notre faveur. « Mon père, en doutez-vous ? » dit Gala. « Non, ma fille, et ma parole a trahi ma pensée. Mais laisse-moi continuer sans m'interrompre, car j'ai besoin de toutes mes forces, et je ne suis pas sûr qu'elle me permette d'aller jusqu'au bout de mon récit. Il suffit quelquefois d'une heure pour donner 20 ans de plus à un homme, et cette heure, je viens de la vivre. Quoi qu'il en soit, voici très exactement et en peu de mots ce qui s'est passé, Pudentius. Il y a 17 ans de cela, par un soir d'été, revenant du marché des Nindines avec ma femme et passant sur la voie aurélienne, près du temple de Vesta, nous entendîmes les vagissements d'un enfant. Prise de pitié, Rustica voulut l'emporter chez elle. J'y consentis après quelques difficultés. « Pardonne-moi, ma bien chère fille, je ne soupçonnais pas le bonheur que tu allais me donner. » Et en la déshabillant pour la changer de linge, la chère mignonne, ma femme trouva cet anneau d'or sur lequel était gravé le nom de Gallus. « Mais cet anneau d'or est le mien, » dit Pudentius. « Je l'ignorais, et j'ai toujours voulu l'ignorer, » reprit Rusticus. « Pendant 17 ans, nous n'avons vécu que pour cet enfant, et il n'a vécu que pour nous. J'avais espéré qu'il en serait ainsi jusqu'à l'heure sans doute peu éloignée de notre mort, mais les destins jaloux en ont décidé autrement. « As-tu donc déjà perdu ta fille, ô mon père ?» dit Gala d'un ton de reproche. « Non, cher enfant, non, » dit Rusticus en l'embrassant. « Mais je ne puis te dire quel immense désespoir m'étreint le cœur. Va, enfant, consoler ta mère qui pleure toute seule là-bas. Elle est déjà assez punie elle-même de l'erreur qu'elle a faite, sans que j'augmente sa douleur par des récriminations inutiles. » Pendant que Gala prodiguait ses soins à la pauvre paysanne et pleurait avec elle, Pudentius, debout au milieu de l'atrium, demeurait très perplexe. Cette jeune fille extraordinaire, qui lui tombait tout élevée des cieux, flattait son orgueil, mais inquiétait sa prudence. Au bout de 17 ans, il se rappelait très vaguement les détails de la naissance et de l'abandon de sa dernière fille. La mère, qui aurait peut-être pu le renseigner, était morte depuis longtemps, et de son vivant, il lui avait épargné avec un soin touchant ce genre de conversation. Restaient les esclaves. Mais quel fond faire sur la parole de ces marauds qui ne pouvaient ouvrir la bouche sans cracher un mensonge ? Qui garantissait à Pudentius que sa fille n'était pas morte et qu'on n'essayait pas de lui substituer habilement une fille de paysan, celle-là, bien constituée et bien vivante ? Cependant, il se décida. « Styrax, Calliclès, où êtes-vous, coquin ? Arrivez ici et répondez-moi franchement. Qu'avez-vous fait de la petite fille ?» Styrax, encore hébété par l'aventure qu'il venait de traverser, avait l'air de tomber des nues. Il regarda Calliclès, qui le regarda à son tour, et tous deux sourirent avec complaisance, sans savoir au juste de quoi il s'agissait. « Eh bien, qu'attendez-vous pour répondre ?» dit Pudentius impatienté. Calliclès ouvrit la bouche au hasard pour dire n'importe quoi. « La petite fille se porte bien, » dit-il. « Je le pense, » reprit avec ironie le sénateur, « et elle a même passablement grandi depuis le temps. Mais que Jupiter m'écrase de sa foudre si je m'attendais à la retrouver aujourd'hui sous les habits d'une paysanne !» Styrax, de plus en plus stupide, continuait à ne rien comprendre. Mais Calliclès, toujours subtil, devina en partie ce dont il s'agissait. « Tu veux sans doute, ô maître, parler de la petite fille que tu avais refusé d'élever il y a déjà longtemps ?»« Sans doute, » dit Pudentius. « De quelle autre parlerai-je, puisque ma femme est morte quelques mois après ?» « Je ne puis, » dit Calliclès, « t'en donner des nouvelles, mais Atarbas, qui s'était chargé de l'exposer, est sans doute plus savant que moi. Atarbas ! Atarbas !» En un clin d'œil, la maison s'emplit de cris assourdissants où Lucius, désireux de faire la cour à son père, jouait lui-même sa partie. Mais Atarbas n'était pas là. On le chercha à la cuisine, où il aimait à se reposer de ses fatigues, on ne l'y trouva pas. Au bain, qu'en sa qualité d'oriental il avait l'habitude de fréquenter, il n'y était pas non plus. Dans le chenil où dormaient pêle-mêle les esclaves, derrière le bâtiment principal, on n'y rencontra que Congrion, qui profitait du désordre général pour cacher un jambon qu'il venait de dérober. Enfin, on le découvrit sur la terrasse du toit, blotti dans un coin et blême de peur à l'idée qu'on le cherchait pour le mettre en croix en punition de ses anciens forfaits. Amené devant le maître, il ne comprit pas tout d'abord ce qu'on voulait de lui. Puis, quand le silence se fut rétabli sur quelques questions très claires posées par Calliclès, il raconta tout ce qui s'était passé dans la fameuse soirée qui avait suivi la naissance de l'enfant. Il n'y avait plus de doute possible, et Galla était bien la fille de Pudentius. Une reconnaissance semblable, dans une famille moderne, serait sans doute suivie d'une scène sentimentale faite de cris et de sanglots. Mais l'écorce des vieux Romains était plus dure que la nôtre, et sauf la grosse Rustica, qui s'abandonnait librement à sa nature et pleurait derrière une colonne, chacun des autres personnages qui se trouvaient là resta grave et impassible, comme il seyait à des citoyens de la République romaine. Lucius vint prendre sa nouvelle sœur et la conduisit toute troublée à son père, qui, toujours assis dans sa chaise d'ivoire, lui dit en souriant, comme s'il l'eût revue seulement après 8 jours d'absence. « Te voilà donc de retour, ô ma fille. Je rends grâce au Dieu, dont la rigueur s'est enfin laissée fléchir. Nous irons leur porter demain le tribut de nos vœux et de notre reconnaissance. » Galla ne trouva rien à répondre et se laissa tomber sur le siège garni de coussins qu'on lui avait apprêtés à la droite de son père. À cet accueil, qui lui semblait si froid auprès des caresses et de l'affection de ses parents adoptifs, elle sentait les larmes lui jaillir des yeux sans qu'elle pût les retenir. Tout d'ailleurs la troublait dans ce nouveau milieu, où le hasard venait de la jeter si brusquement, et perdue dans cette foule d'inconnus qui la saluaient cérémonieusement comme une parente ou comme une maîtresse, il lui semblait éprouver le même serrement de cœur et la même angoisse qu'il avait saisi jadis, alors que tout enfant, amené à Rome un jour de marché par Rusticus, elle s'était égarée dans les rues, pleines d'hommes et de chevaux, de la grande ville. Tous ses yeux fixés sur elle faisaient baisser les siens. Tous ses visages nouveaux mettaient sur son visage une rougeur brûlante, et pendant que son cœur et sa pensée s'élançaient vers le hameau où elle avait vécu tant d'heureuses années, son corps, enchaîné par l'émotion, n'osait bouger du siège où elle était assise. Quand enfin elle osa relever la tête et demander ce qu'étaient devenus Rusticus et sa femme, on lui répondit qu'ils étaient partis sans rien dire, et on lui fit comprendre qu'il ne devait plus y avoir rien de commun entre eux et la jeune patricienne qu'ils avaient eu l'honneur d'élever. La chose était si naturelle que Pudentius n'eut pas un instant l'idée que sa fille pût penser autrement que lui sur ce sujet. Il la remit en conséquence aux mains des esclaves chargés de sa toilette et prit avec Lucius le chemin du Champ de Mars, où, malgré son âge avancé, il passa le reste de l'après-midi à lancer le javelot et à lutter d'agilité avec les représentants de la jeune génération. Après un exercice aussi utile à la santé, il passa au bain, suivant l'habitude romaine, et c'est là seulement qu'il pensa raconter à quelques vieux collègues venus pour le saluer le grand événement qui avait eu lieu chez lui ce jour-là. Mais les compliments qu'on lui adressa, et qu'il reçut avec une parfaite égalité d'âme, venaient ou trop tôt ou trop tard, car à peine rentrait-il chez lui à la nuit close, que Simulus, en lui ouvrant la porte, lui apprit que Galla avait de nouveau disparu.